Depuis petit, les seuls appels, la main d'air, pour le coup, j'ai plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes côté, je préfère commenter. Je préfère commenter. Je préfère commenter. Fatigué, je peux les écouter. J'ai pris de l'argent sur les tabliers. On récolte ce que l'on a semé. Y'a les cœurs sur le palier. Faut pas nier. C'est ton ami, c'est mon allié. Du moment que le compte y est, on tape comme des machines, comme des antillais. Il contrôle les Tony, mais t'en t'arrêtes pas si la présence est facile. J'ai bien de nos racines, et fondé sur la méthane, ils veulent tout ce que je signe. Veulent tout ce que je signe, avec le son médoc, sur la con, puis je la décide. Et je suis ma résine, j'aime qu'on me désire, pour la mise, j'aurais tout donné. Moi, quoi, j'ai pardonné, j'ai jamais oublié. J'ai mis toutes les chances de mon côté, je t'appuie sur mon projet. J'ai pas oublié, en ce moment, je fais des rêves, j'avais plein de billets. J'ai mis toutes les chances de mon côté, je t'appuie sur mon projet. Depuis petit, les seuls affaires, la main mère, mais mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je préfère comment faire. Depuis petit, les seuls affaires, la main mère, mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je préfère comment faire. Depuis petit, les seuls affaires, la main mère, mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je préfère comment faire. Depuis petit, les seuls affaires, la main mère, mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je préfère comment faire. On peut les bailler, je peux les compter, la meute à la famille. Merci maman, je me taille. Elle fait la meuf, bien s'occupe de mes bails. Pour la famille, les surproches tirent une balle. J'ai très vite compris comme Rixana, c'est taille. Elle a encore des bailler, moi je vais les bailler. J'aime trop racailler, je veux juste m'en aller. J'ai pardonné, j'ai jamais oublié. J'ai mis toutes les chances de mon côté, j'crafture sur mon projet. J'ai pas oublié, en ce moment j'fais des rêves, j'avais plein de billets. J'ai mis toutes les chances de mon côté, j'crafture sur mon projet. Depuis petit, les sages affaires, les lames amères, mais mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, j'peux faire comment faire. Depuis petit, les seuls affaires, les larmes à mère, mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je peux faire comment faire. Depuis petit, les seuls affaires, les larmes à mère, mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je peux faire comment faire. Depuis petit, les seuls affaires, les larmes à mère, mon poteau, je sais plus comment faire. J'ai cherché la solution, j'ai trouvé que les problèmes, mon poteau, je peux faire comment faire.